Des années qu'on contrôle le business, qu'on contrôle la zone. J'ai perdu des amis pour histoire de fessier au problème de monnaie. Je suis te kiffé comme tout pas collide zone. Je suis dans les affaires, je dois construire ma zone même. T'es pas de l'épaule, t'es pas de la famille. Collaboration des Ngatia Bedi. Ngatia et Abedi. Trois Mona qui marient. Samy sur le Saint-Evi. Le bail vient du safari. Le bail vient du safari. Les ennemis, je ne peux plus les compter. Dois-je fuir ou bien dois-je les affronter? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chez moi, fallait pas me chercher. Les fruits d'un effort finissent par payer. Toujours fidèle, c'est la rue qui m'a validé. Double disque de platine en surpôt. À la Madrid dans la quétale. Une avance heureuse sur mon poignet. Je suis l'enfant béni, dis-leur bien que j'ai la baraka. Respecte-moi, fils. Mon parcours est simple, il est honorable. Les millions de vues sur net ne vont pas l'artiste. J'ai pas senti la gloire, j'en parle d'odorat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon héros se gama. J'ai du mal, j'allais pas. J'ai du mal, j'allais pas. Maintenant je passe à la radio. Je vais partir sans des radios. Sans des radios, sans des radios. Mes ennemis dans le caniveau. Maintenant je passe à la radio. Je vais partir sans des radios. Sans des radios, sans des radios. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas répondre à tous les protestants. Qui t'a changé la